Ouais. Bonhomme, votre bonhomme. On le canape. Posez. Assis. Casque. On va raconter une chanson. À propos de l'eau. De l'eau de pluie. De l'eau de là-haut. L'eau qui coule. L'eau qui coule dans nos tuyaux. Tranquille, mec. Ouais, c'est parti. Faire la télé vaisselle. Je vais mettre de l'eau pour faire cuire les pâtes. Voilà la musique. L'eau, ça coûte cher. Vénère. C'est la galère. Vas-y mec, balance. Abonnement par syndical, premier semestre 2014, 6€. Abonnement par store, premier semestre 2014, 7,47€. Je passe. Consommation par syndical, année 2013. 35 mètres cubes. Hors taxe. Régularisation à compte par syndical mix de gestion. Année 2013. Moi je comprends plus rien. Ça y est, je comprends plus rien. 2 mètres cubes. Oh putain que c'est chiant putain. Ça y est, je comprends plus rien. C'est l'abonnement, bonhomme. Collecte et traitement des œufs usés. 35,22€. Hors taxe. Abonnement par communal, premier semestre 2014, 3,005€. Ah, j'ai la haine. Et en tout, je vais pas garder ça, je garde pas la dernière ligne, ça fait trop privé. Alors je reste sur les lignes intermédiaires, les rythmes subsidiaires. C'est la guerre, pas mec peur. Pas chier dans mon sous-dôme. Lutte contre la pollution, année 2013, 35 mètres cubes. Modernisation des réseaux, agence de l'eau, année 2013, 6,85€. La TVA ! Pourquoi tout ça ? Pourquoi je dois tout ça, moi ? C'est la taxe sur les débits ! 91,40€. Agence de l'eau ! Mais je comprends pas, en fait, parce que moi, je pense, si on fait le calcul, alors bon, par exemple, une fois, bon, ça dépend. C'est ça en janvier, bon. Et là, on sait pas en fait, si ça part de quand. Donc du client, bah c'est que... Organismes publics, l'agence de l'eau sont des établissements publics. Pas moi. On est là, tranquille, en mode bonhomme, on a lu la facture. C'est clair. On va payer la facture. C'est clair. En mode... En mode tranquille. En mode fracture. En mode fracture tranquille.